Ça commence. Avec Camara, Camara est commerçant, je suis musicien. Camara est marié et moi je suis célibataire. C'est chez moi que Camara fait tout, c'est l'affaire. C'est quoi de partager, Camara prend toujours beaucoup. On va chercher les filles, Camara prend la plus jolie. S'il faut les préparer, c'est moi qui reste au cuisine. S'il est l'heure de manger, Camara mange beaucoup. On sort le soir au bar, c'est moi qui paye au poisson. Camara c'est grand malin, Camara c'est grand macroé. Camara est marié et moi je suis célibataire. C'est chez moi que Camara fait tout, c'est l'affaire. S'il faut départager, Camara prend toujours beaucoup. On va chercher les filles, Camara prend la plus jolie. S'il faut les préparer, c'est moi qui reste en cuisine. Il est l'heure de manger, Camara mange beaucoup. On sort le soir au bar, c'est moi qui paye au poisson. Camara c'est grand malin, Camara c'est grand macroé. C'est ça Camara, ça marche bien. Tu veux toujours me tromper. Maintenant je suis devenu malin. Tu gardes mon ami Camara, Camara, yeah, yeah, yeah, yeah. Camara, yeah, yeah, yeah, yeah. Je t'avais donné toute ma confiance Camara. Tu n'as pas su garder mon ami Camara. Camara, yeah, yeah, yeah, yeah. Camara, yeah, yeah, yeah, yeah. Je t'avais donné toute ma confiance Camara. Tu n'as pas su garder mon ami Camara. Camara, yeah, yeah, yeah, yeah. Camara, yeah, yeah, yeah, yeah. Je t'avais donné toute ma confiance Camara. Tu n'as pas su garder mon ami Camara. Ses amis, Camara, yeah, yeah, yeah, Camara, c'est sans confiance. Camara trompé ses enfants, Camara trompé son père. Camara, yeah, yeah, yeah, Camara, c'est sans confiance. Camara, t'entends en confiance, Camara, c'est sans confiance. Camara, yeah, yeah, yeah, Camara, c'est sans confiance. On va chercher François pour venir juger l'affaire. François arrivé là-bas, commencer à faire politico. François, c'est mauvais témoin. François, c'est mauvais conseiller. On va chercher François pour venir juger l'affaire. François arrivé là-bas, commencer à faire politico. François, c'est mauvais témoin. François, c'est mauvais conseiller. Thank you. confiance, camarade. Tu n'as pas su garder mon ami, camarade.